الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous continuons ce soir la lecture et l'explication du livre intitulé العقيدة الواسطية écrit par l'imam, l'éminent savant, Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Nous avons vu dans le cours dernier les premiers mots de l'introduction de l'auteur, dans laquelle il nous a expliqué qu'il a exposé dans ce livre la croyance du groupe sauvé et secouru jusqu'au jour de la résurrection, qui sont Ahl sunnati wal jama'a, les gens de la sunnah et du groupe. Et on a vu que cette croyance repose principalement sur les six piliers de la foi qui sont venus dans le hadith de Jibril, alayhi salam, lorsque celui-ci vint au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sous l'apparence d'un homme et l'interrogea au sujet des différents degrés de la religion, au sujet de l'islam, de l'iman et de l'ihsan. Et lorsqu'il lui demanda qu'est-ce que la foi, il lui répondit: la foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Après cela, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va commencer à nous exposer le plus important de ces piliers qui n'est autre que la foi en Allah. Et il va nous exposer certains fondements et certaines règles essentielles concernant la foi au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et en ses attributs. Et il a dit, rahimahullah, « ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » Et il fait partie de la foi en Allah, d'avoir foi en ce par quoi Allah s'est lui-même décrit dans son livre et en ce par quoi l'a décrit son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une règle fondamentale parmi les règles à connaître au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire pour nous d'avoir foi avec certitude, sans aucun doute et sans aucune hésitation en tout ce qui est venu dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous nous devons d'affirmer cela d'une manière qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala font partie des choses qui relèvent de l'ghaib, de la science, de l'imperceptible. Donc, en ce qui concerne les questions liées au ghaib, il est obligatoire pour nous de revenir à leur sujet, à ce qui est venu dans les textes de la charia, dans les textes du Coran et de la sunna. Et il n'est pas possible pour nous d'avoir connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est à travers ce qui est venu dans les textes. Ce domaine est donc un domaine tawqifi, c'est-à-dire un domaine dans lequel on s'arrête à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la sunna. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet: Allah n'est décrit que par ce par quoi il s'est décrit lui-même ou par ce par quoi l'a décrit son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne dépasse pas le Coran et le Hadith. On ne dépasse pas le Coran et le Hadith. Et dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la raison n'a aucune place. Car les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas un savoir que tu peux atteindre par ta réflexion ou ta raison. Mais c'est un savoir que tu ne peux atteindre et que tu ne peux connaître que via les textes de la révélation, les textes du Coran et de la Sunnah. Et ces textes, il faut savoir qu'il est obligatoire d'y avoir foi et d'y croire tels qu'ils sont venus et tels qu'ils sont mentionnés, selon leur sens apparent, et sans dépasser ce qui est venu dans les textes. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il est obligatoire d'avoir foi en cela, من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Sans تحريف, sans تعطيل, sans تكييف et sans تمثيل. Et on va voir le sens de ces quatre mots, Inch'Allah ta'ala. At-tahrif, ce qui est visé par cela, c'est l'altération, le changement, la modification, ou on pourrait même dire la falsification. Et cela consiste à détourner les mots de leur sens. Et le tahrif, il est de deux sortes. La première sorte, c'est ce que l'on appelle tahrif al-lafz, l'altération des termes. Et ce, en ajoutant un mot dans les textes, ou une lettre, ou alors en retirant un mot ou une lettre, ou encore en changeant les harakets, c'est-à-dire en changeant les voyelles, comme l'ont fait les gens de l'égarement, à titre d'exemple, au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman ala l'arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Ils ont dit que le sens du mot istawa était istaula. Ils ont donc rajouté une lettre, la lettre lam. Istaula qui signifie prendre possession. Et ce pour renier l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc expliqué ce verset en disant le tout miséricordieux a pris possession du trône. Il s'est emparé du trône. Donc ceci est une forme d'altération des termes. Également, concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَاءَ رَبُّكَ et ton Seigneur viendra. Ils ont dit Ja amru rabbik. Ils ont ajouté un mot. Lorsque viendra l'ordre de ton Seigneur. Et ce pour renier l'attribut du magi, de la venue. Également concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallama Allah Musa taklima. Et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Donc dans ce verset, pour ceux qui ont étudié un peu la langue arabe, la dhamma, dans le nom d'Allah, wa kallama Allahu, indique que c'est Allah qui a parlé à Moussa, alayhi salam. Eux, ils ont modifié cette haraka, ils ont modifié cette voyelle, et ils ont dit, wa kallama Allaha Moussa taklima. Et en changeant cela, ils ont altéré le sens du verset, afin de renier l'attribut de la parole. Ils ont donc expliqué ce verset en disant qu'il signifie « Et Moussa a parlé à Allah de vive voix ». Donc vous voyez qu'à chaque fois l'objectif est de renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc altéré les termes en ajoutant une lettre, en ajoutant un mot ou en modifiant les voyelles dans les mots. La deuxième forme d'altération, c'est « Tahriful ma'na », l'altération du sens. Et ce, en donnant un terme, le sens d'un autre terme, comme le disent certains groupes parmi les gens de l'innovation, que le sens de Ar-Rahma, c'est la volonté de la bienfaisance, la volonté de combler d'un bienfait. Et ils ont dit qu'Al-Ghadab, qui signifie la colère, avait pour sens la volonté de vengeance, ou la volonté de châtiment. Donc tout ceci est une altération du sens de ces mots. Ar-Rahma, c'est la miséricorde, la clémence. Et Al-Ghadab, c'est la colère. Et eux, ils ont renié ses sens afin de renier ses attributs, wal'ayadu billah. Donc ceci est la première chose à éviter concernant les noms et les attributs d'Allah. Le tahrif, l'altération, que ce soit l'altération des termes ou l'altération des sens. La deuxième chose, c'est at-ta'til, que l'on traduit par la négation. Et ce qui est voulu ici, par cela, c'est la négation des attributs d'Allah. Retirer à Allah ses attributs. Et la différence entre le ta'til et le tahrif que l'on vient de voir précédemment, c'est que le tahrif, il consiste à nier le sens authentique qui est démontré par les textes et le remplacer par un autre sens qui est erroné. Alors que le ta'til, la négation, elle consiste à nier le sens authentique qui est démontré par les textes sans le remplacer par un autre sens. Et c'est pour cela que les gens de science ont dit que toute personne qui fait de l'altération fait forcément de la négation, car en altérant, il a renié le sens authentique. Alors que tout négateur n'est pas forcément un altérateur. Il n'a pas forcément altéré les choses, car il se peut qu'il se contente de nier nier le sens, sans le remplacer par un sens erroné. La troisième chose à éviter concernant la foi au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est takyif, qui consiste à décrire le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas possible pour l'homme d'avoir connaissance du comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés de cela. Et comme on a dit, ce sujet relève d'al-ghayb, de la science de l'imperceptible. Et ce qui relève de la science de l'imperceptible ne peut être connu que par l'intermédiaire des textes de la révélation. Donc si rien n'est venu à ce sujet dans le livre d'Allah, ni dans la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il ne nous est pas possible d'avoir connaissance de cela. C'est pour cela qu'il fait partie de la voix des gens de la sunna, la voix du groupe sauvé et secouru jusqu'au jour de la résurrection, de ne pas décrire le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni questionner à ce sujet. Et d'ailleurs, un des grands imams des gens de la sunna, l'imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, a été interrogé au sujet du comment d'un des attributs d'Allah. Un homme lui a dit « Ar-Rahman ala al-arsh istawa » Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. « Kayf astawa » Comment s'est-il élevé? Alors l'imam Malik rahimahullah ta'ala fut pris de colère, au point que cela se vit sur son visage. Puis il dit cette phrase célèbre et connue, mentionnée par nos savants dans les cours de croyance, qui est une règle fondamentale à ce sujet. Al-istiwa ou ma'loum. L'élévation est connue. Lorsqu'on te dit le mot élévation, tu comprends ce que ce mot signifie. Wal-kayf ou majhoul. Le comment est inconnu. Nous ne connaissons pas le comment concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah ne nous a pas informés de cela. Il est donc impossible pour nous d'en avoir connaissance. Wal imanu bihi wajib. La foi en cela est obligatoire. Il est obligatoire pour tout croyant d'avoir foi en cela. Wassu'alu anhu bid'a. Et interroger à ce sujet est une innovation. Interroger au sujet du comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est une innovation. Pourquoi l'imam Malik rahimahullah ta'ala a qualifié cela d'innovation? Car les compagnons radiyallahu anhum, qui sont les meilleurs hommes de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas interrogé à ce sujet. Si vous méditez sur les hadiths qui nous sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, vous verrez que bien souvent, ils ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur de nombreuses choses. Mais dans aucun hadith, ils ne l'ont interrogé au sujet du comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y avait un bien en ce questionnement, alors, ils nous auraient devancé en cela. Et ils auraient interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ne l'ont pas fait. Nous devons donc suivre leurs traces et nous suffire de ce dont ils se sont suffis. Radiyallahu anhum. Et cette phrase de l'imam Malik rahimahullah, elle s'applique sur tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a une main. La main est connue. Le comment est inconnu. La foi en cela est obligatoire et interroger à ce sujet est une innovation. Et ainsi de suite avec les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième chose à éviter concernant la foi au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tamthil, l'assimilation, en disant que les attributs d'Allah sont semblables aux attributs des créatures, que sa main est comme nos mains, que son oui est comme notre oui, et autres paroles semblables, wal'iyadu billah, wa ta'ala Allahu an dhalik. Et ceci a été renié et réfuté dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Rien n'est semblable à lui. Et il est celui qui entend et qui voit tout, subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne nous est pas permis de dire au sujet des attributs d'Allah qu'ils sont semblables aux attributs des créatures, ni de les comparer aux attributs des créatures. Et le croyant monothéiste affirme tous les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'une manière qui sied à l'immensité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à sa grandeur et à sa majesté. Et les gens de la sunna, donc, comme l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, Ils ont foi aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans altération, sans négation, sans chercher le comment et sans assimilation. Ensuite, il dit, rahimahullah, « بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » Mais ils ont plutôt foi au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est semblable à lui, et il est As-Sami' al-Basir, celui qui entend tout et qui voit tout. Ce verset, c'est une règle fondamentale concernant les noms et les attributs d'Allah. Dans sa parole, « Laysa kamithlihi shay », rien n'est semblable à lui, il y a la réfutation de ceux qui assimilent Allah à ses créatures, ou qui le comparent à ses créatures. Rien n'est semblable à lui. « Wa huwa As-Sami' al-Basir » Il est Samir, celui qui entend tout, et Al-Basir, celui qui voit tout. Il y a en cela une réfutation au négateur. Car Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même l'ouïe et la vue. Donc ce verset est un verset de référence concernant le chapitre des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il a réuni entre l'affirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et la négation de la ressemblance ou l'assimilation aux créatures. Et on va voir l'explication de ce verset plus en détail dans un cours prochain, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ » Il ne renie donc pas ce par quoi Allah s'est lui-même décrit, et il ne détourne pas les mots de leur sens. Les gens de la sunna et du groupe ont pour croyance et on foi avec certitude que rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne les pousse pas à renier ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même décrit. Comme l'ont fait ceux qui ont exagéré à ce sujet, au point de renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sous prétexte de ne pas les comparer et les assimiler aux attributs des créatures. En effet, ceux qui ont renié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils en sont arrivés à cela en raison de leur exagération concernant la négation de la ressemblance d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Ils ont dit rien n'est semblable à lui. Et ceci les a poussés à renier les attributs. Et ce verset-là réfute cette erreur. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset affirme que rien n'est semblable à lui et en même temps il affirme qu'il a pour attribut l'ouïe et la vue d'une manière qui sied à sa majesté. Non pas une ouïe et une vue semblables à celles des créatures. Donc les gens de la sunna, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient des attributs qui lui sont propres. Et ils les affirment d'une manière qui sied à sa majesté. Et les créatures ont des attributs qui leur sont propres, qui leur conviennent. Et les attributs des créatures ne sont pas semblables aux attributs du créateur. Donc les gens de la sunna ne renient pas ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même décrit. Il a dit qu'il est As-Sami'. Nous affirmons qu'il est As-Sami'. Il a dit qu'il est Al-Basir, nous affirmons qu'il est Al-Basir. Il s'est décrit par l'attribut de la main, nous affirmons qu'il a une main, et ainsi de suite. وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِ Et ils ne détournent pas les mots de leur sens, c'est-à-dire qu'ils n'altèrent pas les paroles d'Allah. Ils n'en changent pas les termes, ils n'en changent pas les sens. Ils ne leur donnent pas une explication erronée comme le font les gens de l'innovation et de l'égarement. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ » Et ils ne profanent pas les noms d'Allah et ses versets. Ce qui est visé par la profanation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses versets, c'est le fait de les détourner de leur sens réel vers une chose fausse et erronée. Et la profanation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala est de différentes sortes. Et le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, en a mentionné cinq. La première est de nommer les statues par des noms tirés des noms d'Allah. Comme ils ont nommé les premiers polythéistes de Quraysh, Al-Lat, tiré du nom Al-Ilah, Al-Uzza, tiré du nom Al-Aziz, et Manat, tiré du nom Al-Mannan. Ceci est une forme de profanation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième sorte et de nommer Allah subhanahu wa ta'ala par un nom qui ne lui convient pas. Comme l'ont fait les Nasara, comme l'ont fait les chrétiens, qui l'ont appelé le Père. Ceci est une forme de profanation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans parler de tout ce que cela inclut comme croyance erronée. La troisième sorte de profanation est de décrire Allah subhanahu wa ta'ala par ce dont il est exempt et purifié, parmi les défauts et les manquements, comme l'ont fait les Yahoud, les Juifs, qui ont dit à son sujet « Inna Allah faqir wa nahnu aghniya » « Certes, Allah est pauvre et nous sommes riches. » Ceci est une forme de profanation à l'égard des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses versets. La quatrième forme de profanation est de renier leur sens et leur réalité, comme l'ont fait le groupe des gens de l'innovation et de l'égarement appelés Al-Jahmiyyah, qui ont renié le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont dit que ces noms ne sont que des termes dépourvus de sens et qui n'indiquent pas d'attributs ni aucun sens. Ils ont donc dit « Il est Samir », mais ceci n'indique pas l'attribut de l'ouïe. « Il est Al-Basir », mais cela n'indique pas l'attribut de la vue. « Il est Al-Hayy », le vivant, mais ceci n'indique pas l'attribut de la vie, et ainsi de suite. Et ceci est une forme de profanation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. La cinquième sorte que le shaykh hafidhahullah ta'ala a mentionné est le fait de comparer les attributs d'Allah aux attributs des créatures, en disant « sa main est comme sa main » ou autre chose semblable. Et Allah subhanahu wa ta'ala est bien au-dessus de cela. Donc ceci fait partie des choses à éviter concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et desquels se sont écartés les gens de la sunna et du groupe. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes menacé ceux qui profanent ses noms et ses signes et ses versets d'une menace très sévère. Il a dit subhanahu wa ta'ala « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. فَدْعُوهُ بِهَا Invoquez-le donc par ses noms. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ Et laissez donc ceux qui profanent ses noms. سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. L'imam al-Si'di rahimahullah ta'ala a dit « Ils seront rétribués », c'est-à-dire ils seront sanctionnés et châtiés en raison de leur profanation de ces noms, subhanahu wa ta'ala. Ils seront sanctionnés et châtiés pour cela. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna » Certes, ceux qui profanent nos versets ne nous échappent pas. Ils ne nous échappent pas. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une menace. L'imam al-Si'di rahimahullah ta'ala a dit Allah a menacé ceux qui profanent ses signes, ses versets, en disant qu'ils ne lui échappent pas, c'est-à-dire qu'il les observe, qu'il sait parfaitement ce qui apparaît d'eux et ce qu'ils cachent, et il les rétribuera pour leur profanation en raison de ce qu'ils faisaient. Et c'est pour cela qu'il dit dans la suite du verset « أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَتِي آمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » Est-ce que celui qu'on jettera dans le feu, à l'exemple de celui qui profane les versets d'Allah, est meilleur que celui qui viendra en sécurité au jour de la résurrection, c'est-à-dire à l'abri du châtiment d'Allah? Et amalou ma shi'tum. Œuvrez comme vous le voulez, faites ce que vous voulez. Innahu bima ta'amalouna basir. Il voit ce que vous faites. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, continue et nous dit وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ Ils n'en décrivent pas le comment et ils ne comparent pas ses attributs, c'est-à-dire les attributs d'Allah, aux attributs de ses créatures. لِأَنَّهُ سُبْحَانَ لَا سَمِيَّ لَهُ وَلَا كُفْأَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Et ce car Allah pureté à lui, il n'a pas de sami, c'est-à-dire il n'a pas de semblable, il n'a pas d'homonyme, il n'a pas d'équivalent. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala au verset 65 de surat Maryam, « Hal ta'alamu lahu samiyya » Lui connais-tu un semblable, lui connais-tu un homonyme, lui connais-tu un équivalent? Nul n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas de kuf, c'est-à-dire il n'a pas d'égal. Comme il dit subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Ikhlas, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Il n'a aucun égal. Et il n'a pas de nid, que l'on peut aussi traduire par le semblable, l'équivalent, l'identique. Comme il dit subhanahu wa ta'ala au verset 22 de surat al-Baqarah, « Fala taj'alou lillahi andada » et n'attribuez pas à Allah des égaux. Et de la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comparé à ses créatures. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 74 de surat al-Nahl, « Fala tadribou lillahi l'amthal » ne donnez pas à Allah des semblables. Ne comparez pas Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Que ce soit dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs ou dans ses actions. Comment le Créateur, qui est parfait, pourrait-il être comparé à une créature déficiente ? Wal'iyadu billah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « فَإِنَّهُ سُبْحَانَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ » Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant concernant lui-même et concernant autre que lui. Donc le Cheikh, rahimahullah ta'ala, par cette phrase, il nous explique la raison pour laquelle nous nous devons d'avoir foi en tout ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna authentique concernant les noms et les attributs d'Allah. Et ne pas renier ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant concernant lui-même et concernant autre que lui. Il est plus savant concernant ses noms et concernant ses attributs. Il est donc obligatoire pour nous d'affirmer les attributs qu'il a affirmés pour lui-même. Et ce par quoi l'a décrit son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comment une personne peut-elle lire dans le Coran la mention des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite les renier? Cette personne n'est-elle pas satisfaite de ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même décrit? Il est plus savant que nous concernant ce qui lui convient ou ce qui ne lui convient pas. Et nous, nous n'avons pas connaissance de cela. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَزْدَقُ قِيلَ وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ. Il est, subhana, plus savant concernant lui-même et autre que lui. Il est plus véridique en parole et plus beau en discours que ses créatures. Donc tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a informé n'est que vérité et véracité. Il est obligatoire pour nous d'y avoir foi sans aucune hésitation et ne pas s'opposer à ce qui est venu dans les textes. Les termes employés dans le Coran sont les plus beaux des termes, les plus clairs, les plus éloquents. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son noble livre et a exposé ce qui lui convient comme nom et comme attribut. Et ce, de la meilleure des manières. Il est donc obligatoire pour le musulman d'accepter cela et de s'y soumettre. Ensuite, il dit, rahimahullah, « ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ » Puis ses messagers sont véridiques et ils sont crus. Ici, il continue de nous expliquer pourquoi nous nous devons d'avoir foi en ce qui est venu dans les textes. Nous avons foi en ce qui est venu dans le Coran car Allah est plus savant concernant lui-même que ses créatures. Et nous avons foi en ce qui est venu dans la sunna authentique car ses messagers sont véridiques. Tout ce qu'ils rapportent au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce dont ils ont informé concernant Allah subhanahu wa ta'ala n'est que vérité. Et ils sont crus car ils ne parlent pas sous l'effet de la passion. Ils ne parlent que par révélation, par l'intermédiaire des anges qui leur transmettent le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc reçu la vérité de la part d'Allah et l'ont transmise aux créatures. Il est donc obligatoire d'accepter ce qui est venu de la bouche des messagers, alayhimus salatu wassalam. Ils sont véridiques et ils sont crus, contrairement à ceux qui disent ce qu'ils ne savent pas. Ceux qui disent ce qu'ils ne savent pas, ceux qui parlent sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science, qui ne se basent pas sur les textes du Coran et de la Sunna. Ils n'ont aucune science concernant sa législation, aucune science concernant sa religion et aucune science concernant ses noms et ses attributs. Comment pourrait-on délaisser les paroles claires du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour suivre et attester de ce qu'aurait mentionné un homme venu bien après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas de doute que ceci est une erreur. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant concernant lui-même et concernant autre que lui, qu'il est plus véridique en parole et plus beau en discours que ses créatures, et que ses messagers alayhimus salatu wassalam sont véridiques dans tout ce dont ils ont informé concernant Allah, et que l'intermédiaire entre eux et Allah, qui leur ont apporté la révélation, de la part d'Allah sont des intermédiaires véridiques qui ne sont autres que les nobles anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire pour nous de nous référer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ses messagers alayhimu salatu wa salam ont dit concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi bien en termes d'affirmation que de négation. Et nous nous devons de rejeter ce qui a été dit et propagé par les gens de l'innovation et de l'égarement, ceux qui ont délaissé les textes du Coran et de la Sunna et se sont référés à leur passion et à leur raison défaillante et déficiente, en prenant pour modèle parfois ceux qui ne sont pas dignes d'être pris pour modèle parmi les égarés. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, après nous avoir expliqué que les messagers, alayhimu salatu wassalam, sont véridiques concernant ce qu'ils ont transmis, il nous dit وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et c'est pour cela qu'il a dit سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. Pureté à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, c'est-à-dire ceux qui se sont opposés aux messagers, alayhimu salatu wassalam. Ceux qui ont emprunté des voies déviantes parmi les gens de l'innovation. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Wa salamun ala al-mursalin. Et le salut est sur les messagers. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et toutes les louanges reviennent à Allah, Seigneur de l'univers. Donc ces versets, ils nous démontrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est purifié et exempt de tout ce par quoi l'ont décrit les gens de l'égarement et de l'innovation parmi les choses qui ne conviennent pas à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Également, ces versets nous démontrent la véracité des messagers alayhimu salatu wassalam et l'obligation d'accepter ce avec quoi ils sont venus et ce dont ils ont informé concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il y a dans ce verset la légitimité du salam sur les messagers alayhimu salatu wassalam et le fait de les respecter et de les révérer, car ils sont les intermédiaires concernant la transmission entre les créatures et Allah subhanahu wa ta'ala. Également, ce verset nous démontre la réfutation et le rejet de tout ce qui s'oppose à ce avec quoi sont venus les messagers, et plus particulièrement en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, ces versets nous démontrent la légitimité de louer Allah subhanahu wa ta'ala et de le remercier pour ses bienfaits, et parmi les bienfaits les plus nobles, comme on l'a vu dans un cours précédent, il y a le bienfait d'avoir été guidé au tawhid et à la croyance authentique, et plus particulièrement en ce qui concerne notre sujet, la croyance concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a terminé ce passage en disant wa huwa subhana qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bayna an-nafy wal-ithbat. Et Allah subhana a réuni concernant ce par quoi il s'est décrit et ce par quoi il s'est nommé entre la négation et l'affirmation. Donc ici l'auteur rahimahullah ta'ala il nous indique la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée pour nous dans son livre concernant l'affirmation et la foi en ses noms et en ses attributs. Et cette voie et cette méthodologie est celle qu'il est obligatoire pour tout croyant d'emprunter. Et c'est une méthodologie d'une grande importance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, concernant ses noms et ses attributs, il a réuni entre eux la négation et l'affirmation. La négation, c'est-à-dire la négation de tout ce qui s'oppose à la perfection, parmi les défauts et les manquements. Il a nié les égaux, les semblables, les associés, il a nié la somnolence, le sommeil, et ainsi de suite parmi les choses qui sont niées dans les textes. Et l'affirmation, c'est l'affirmation de tous les attributs de perfection et de majesté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur, rahimahullah, va nous mentionner une multitude de versets de hadith à ce sujet. Ensuite, il dit « فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ » Il dit « Les gens de la sunna ne s'écartent donc pas, ne se détournent pas, ne dévient pas de ce avec quoi sont venus les messagers alayhimu salatu wassalam. » Mais les gens de la sunna, ils suivent les traces des messagers alayhimu salatu wassalam. ils se guident par leur lumière. Et entre dans cela le fait d'affirmer les attributs de perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala et de le purifier et l'exempter de tout ce qui ne convient pas à sa majesté. Car les messagers alayhimus salatu wassalam ont établi ce fondement immense, tandis que les ennemis des messagers alayhimus salatu wassalam se sont écartés de cela et ont dévié concernant cette croyance authentique. Et il nous dit que la voie des messagers alayhimus salatu wassalam, c'est As-sirat al-mustaqim, le chemin droit. La voie des messagers alayhimus salatu wassalam est le chemin droit, le chemin qui ne contient aucune déviance, aucune courbe, aucune dérive. Celui qui est venu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Cette invocation que tu répètes dans chacune de tes unités de prière. Ce droit chemin, c'est le chemin des messagers, alayhimus salatu wassalam. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il est « siratul ladhina an'am Allahu alayhim ». C'est le chemin de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. C'est-à-dire que le droit chemin, celui avec lequel sont venus les messagers, alayhimus salatu wassalam, que ce soit dans le domaine de la croyance ou autre parmi les domaines religieux, les gens de la sunna ont emprunté ce chemin, qui est le chemin de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, c'est-à-dire de manière absolue, les bienfaits qui leur permettront d'atteindre le bonheur éternel dans l'au-delà bi'inillahi ta'ala. Et cela, et ce chemin, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de demander de suivre dans chacune de nos unités de prière. Il est légiféré pour toi et obligatoire de réciter surat al-Fatiha dans chaque unité de prière. Et dans chacune de ces unités de prière, tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim » « Guide-nous sur le droit chemin »« Sirat al-ladina an'amta alayhim » « Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs » Qui sont-ils? L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, reprenant les mots venus dans un verset du livre d'Allah « Minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin » Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, ce sont ceux-là ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses faveurs. Et ce sont ceux-là qu'il nous est ordonné de suivre et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs reprises quotidiennement afin qu'il nous guide sur leur chemin. Le chemin des prophètes, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisés et leur a fait grâce par la prophétie et le message. Le chemin des véridiques, ceux qui se soumettent pleinement au messager sallallahu alayhi wa sallam, tout en faisant preuve d'une sincérité complète pour Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble de leurs œuvres. Ce sont ceux-là les véridiques. Les martyrs, ce sont ceux qui ont été tués sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et as-salihun, qui est le pluriel de salih, ce sont ceux qui s'acquittent des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et des droits de ses serviteurs. Donc c'est ceux-là qui ont emprunté ce chemin, le droit chemin, Sirat al-Mustaqim, qui ont été comblés des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te guide sur ce chemin, et que tu te rappelles que c'est le chemin des prophètes, des véridiques, des martyrs et des vertueux, ceci te rappelle que tu es en bonne compagnie sur ce chemin. Car tu suis la voie des prophètes, tu suis la voie des véridiques, tu suis la voie des martyrs, tu suis la voie des vertueux. Donc même si, à certaines époques ou dans certains endroits, la personne se sent seule sur ce chemin, elle doit savoir qu'en réalité, elle a sur ce chemin la meilleure des compagnies. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا Et quelle bonne compagnie que cela! Quelle bonne compagnie que les prophètes! Quelle bonne compagnie que les véridiques! Quelle bonne compagnie que les martyrs! Et quelle bonne compagnie que les vertueux! Ne te sens pas seul. Ne pense pas que tu es seul sur ce chemin. Tu suis la voie des prophètes, des véridiques, des martyrs et des vertueux. Et si tu suis leur voie, c'est-à-dire que tu vas les rejoindre, Inch'Allah ta'ala. Donc même si tu avances seul aujourd'hui, si tu es ferme sur ce chemin, et que tu te maintiens droit sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu pourras espérer les retrouver dans l'au-delà, bi'idhnillahi ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi eux et de nous accorder son paradis. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous mentionner une multitude de textes du Coran et de la Sunna contenant l'affirmation de noms et d'attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous verrons cela à partir du prochain cours. بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.